Chapitre 14 de l'esprit municipal. Ce que nous avons vu jusqu'ici des anciennes institutions, et surtout des anciennes croyances, a pu nous donner une idée de la distinction profonde qu'il y avait toujours entre deux cités. Si voisines qu'elles fussent, elles formaient toujours deux sociétés complètement séparées. Entre elles, il y avait bien plus que la distance qui sépare aujourd'hui deux villes, bien plus que la frontière qui divise deux États. Les dieux n'étaient pas les mêmes, ni les cérémonies, ni les prières. Le culte d'une cité était interdit à l'homme de la cité voisine. On croyait que les dieux d'une ville repoussaient les hommages et les prières de quiconque n'était pas leurs concitoyens. Il est vrai que ces vieilles croyances se sont à la longue modifiées et adoucies, mais elles avaient été dans leur pleine vigueur à l'époque où les sociétés s'étaient formées, et ces sociétés en ont toujours gardé l'empreinte. On conçoit aisément deux choses. D'abord que cette religion propre à chaque ville a dû constituer la cité d'une manière très forte et presque inébranlable. Il est en effet merveilleux combien cette organisation sociale, malgré ses défauts et toutes ses chances de ruine, a duré longtemps. Ensuite que cette religion a dû avoir pour effet, pendant de longs siècles, de rendre impossible l'établissement d'une autre forme sociale que la cité. Chaque cité, par l'exigence de sa religion même, devait être absolument indépendante. Il fallait que chacune eût son code particulier, puisque chacune avait sa religion, et que c'était de la religion que la loi découlait. Chacune devait avoir sa justice souveraine, et il ne pouvait y avoir aucune justice supérieure à celle de la cité. Chacune avait ses fêtes religieuses et son calendrier. Les mois et l'année ne pouvaient pas être les mêmes dans deux villes, puisque la série des actes religieux était différente. Chacune avait sa monnaie particulière, qui à l'origine était ordinairement marquée de son emblème religieux. Chacune avait ses poids et ses mesures. On n'admettait pas qu'il pût y avoir rien de commun entre deux cités. La ligne de démarcation était si profonde qu'on imaginait à peine que le mariage fût permis entre habitants de deux villes différentes. Une telle union parut toujours étrange et fut longtemps réputée illégitime. La législation de Rome et celle d'Athènes répugnent visiblement à l'admettre. Presque partout, les enfants qui naissaient d'un tel mariage étaient confondus parmi les bâtards et privés des droits de citoyens. Pour que le mariage fût légitime entre habitants de deux villes, il fallait qu'il y eût entre elles une convention particulière. Chaque cité avait autour de son territoire une ligne de borne sacrée. C'était l'horizon de sa religion nationale et de ses dieux. Au-delà de ces bornes, d'autres dieux régnaient, et l'on pratiquait un autre culte. Le caractère le plus saillant de l'histoire de la Grèce et de celle de l'Italie, avant la conquête romaine, c'est le morcellement poussé à l'excès et l'esprit d'isolement de chaque cité. La Grèce n'a jamais réussi à former un seul État, ni les villes latines, ni les villes étrusques, ni les tribus samnites n'ont jamais pu former un corps compact. On a attribué l'incurable division des Grecs à la nature de leur pays, et l'on a dit que les montagnes qui s'y croisent établissent entre les hommes des lignes de démarcation naturelles. Mais il n'y avait pas de montagnes entre Thèbes et Platée, entre Argos et Sparte, entre Sybaris et Crotone. Il n'y en avait pas entre les villes du Latium ni entre les 12 cités de l'Étrurie. La nature physique a sans nul doute quelque action sur l'histoire des peuples, mais les croyances de l'homme en ont une bien plus puissante. Entre deux cités voisines, il y avait quelque chose de plus infranchissable qu'une montagne. C'était la série des bornes sacrées. C'était la différence des cultes et la haine des dieux nationaux pour l'étranger. Pour ce motif, les anciens n'ont jamais pu établir ni même concevoir aucune autre organisation sociale que la cité. Ni les Grecs, ni les Italiens, ni les Romains même, pendant fort longtemps, n'ont eu la pensée que plusieurs villes pussent s'unir et vivre à titre égal sous un même gouvernement. Entre deux cités, il pouvait bien y avoir l'alliance, association momentanée, en vue d'un profit à faire ou d'un danger à repousser. Mais il n'y avait jamais union complète, car la religion faisait de chaque ville un corps qui ne pouvait s'agréger à aucun autre. L'isolement était la loi de la cité. Avec les croyances et les usages religieux que nous avons vus, comment plusieurs villes auraient-elles pu se confondre dans un même État? On ne comprenait l'association humaine et elle ne paraissait régulière qu'autant qu'elle était fondée sur la religion. Le symbole de cette association devait être un repas sacré fait en commun. Quelques milliers de citoyens pouvaient bien, à la rigueur, se réunir autour d'un même prytané, réciter la même prière et se partager les mets sacrés. Mais essayez donc avec ces usages de faire un seul État de la Grèce entière. Comment fera-t-on les repas publics et toutes les cérémonies saintes auxquelles tout citoyen est tenu d'assister? Où sera le prytané? Comment fera-t-on la lustration annuelle des citoyens? Que deviendront les limites inviolables qui ont marqué à l'origine le territoire de la cité et qui l'ont séparé pour toujours du reste du sol? Que deviendront tous les cultes locaux, les divinités polyades, les héros qui habitent chaque canton? Athènes a sur ses terres le héros Œdipe, ennemi de Thèbes. Comment réunir Athènes et Thèbes dans un même culte et dans un même gouvernement? Quand ces superstitions s'affaiblirent, et elles ne s'affaiblirent que très tard dans l'esprit du vulgaire, il n'était plus temps d'établir une nouvelle forme d'État. La division était consacrée par l'habitude, par l'intérêt, par la haine invétérée, par le souvenir des vieilles luttes. Il n'y avait plus à revenir sur le passé. Chaque ville tenait fort à son autonomie. Elle appelait ainsi un ensemble qui comprenait son culte, son droit, son gouvernement, toute son indépendance religieuse et politique. Il était plus facile à une cité d'en assujettir une autre que de se l'adjoindre. La victoire pouvait faire de tous les habitants d'une ville prise autant d'esclaves. Elle ne pouvait pas en faire des concitoyens du vainqueur. Confondre deux cités en un seul état, unir la population vaincue à la population victorieuse et les associer sous un même gouvernement, c'est ce qui ne se voit jamais chez les anciens. À une seule exception près, dont nous parlerons plus tard. Si Sparte conquiert la Messénie, ce n'est pas pour faire des Spartiates et des Messéniens un seul peuple. Elle expulse toute la race des vaincus et prend leurs terres. Athènes en use de même à l'égard de Salamine, d'Égine, de Mélos. Faire entrer les vaincus dans la cité des vainqueurs était une pensée qui ne pouvait venir à l'esprit de personne. La cité possédait des dieux, des hymnes, des fêtes, des lois, qui étaient son patrimoine précieux. Elle se gardait bien d'en donner part à des vaincus. Il n'en avait même pas le droit. Athènes pouvait-elle admettre que l'habitant d'Égine entrât dans le temple d'Athénée Polyade, qu'il adressât un culte à Thésée, qu'il prît part au repas sacré, qu'il entretint comme prytane le foyer public? La religion le défendait. Donc la population vaincue de l'île d'Égine ne pouvait pas former un même état avec la population d'Athènes. N'ayant pas les mêmes dieux, les Éginettes et les Athéniens ne pouvaient pas avoir les mêmes lois, ni les mêmes magistrats. Mais Athènes ne pouvait-elle pas, du moins, en laissant debout la ville vaincue, envoyer dans ses murs des magistrats pour la gouverner? Il était absolument contraire au principe des anciens qu'une cité fût gouvernée par un homme qui n'en fût pas citoyen. En effet, le magistrat devait être un chef religieux, et sa fonction principale était d'accomplir le sacrifice au nom de la cité. L'étranger, qui n'avait pas le droit de faire le sacrifice, ne pouvait donc pas être magistrat. N'ayant aucune fonction religieuse, il n'avait aux yeux des hommes aucune autorité régulière. Sparte essaya de mettre dans les villes ses armostes, mais ces hommes n'étaient pas magistrats, ne jugeaient pas, ne paraissaient pas dans les assemblées. N'ayant aucune religion régulière avec le peuple des villes, ils ne purent pas se maintenir longtemps. Il résultait de là que tout vainqueur était dans l'alternative, ou de détruire la cité vaincue et d'en occuper le territoire, ou de lui laisser toute son indépendance. Il n'y avait pas de moyen terme. Où la cité cessait d'être, où elle était un état souverain. Ayant son culte, elle devait avoir son gouvernement. Elle ne perdait l'un qu'en perdant l'autre, et alors elle n'existait plus. Cette indépendance absolue de la cité ancienne n'a pu cesser que quand les croyances sur lesquelles elle était fondée eurent complètement disparu. Après que les idées eurent été transformées et que plusieurs révolutions eurent passé sur ces sociétés antiques, alors on put arriver à concevoir et à établir un état plus grand régi par d'autres règles. Mais il fallut pour cela que les hommes découvrissent d'autres principes et un autre lien social que ceux des vieux âges.